et plaidons. Si nos péchés sont rouges comme la cramoisie, il nous rendra plus blanc que la neige. Et s'il nous arrive de pécher, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il peut nous pardonner, nous laver dans son sang, nous purifier de toute iniquité. Zala, nanda kona yo, papa.